Conte de fées en français. Le tigre et les buffles. Il était une fois quatre buffles qui vivaient au fond de la forêt. Ils avaient toujours vécu ensemble. Ils étaient très unis et tous les autres animaux avaient toujours eu peur d'eux. Et parmi tous ces animaux, il y avait un tigre. Chaque fois qu'il prévoyait d'attaquer, il les voyait ensemble et partait déçu. Oh, comment les attaquer s'ils sont toujours ensemble? Ce n'est pas grave. Je vais essayer à nouveau demain. Un jour, les quatre amis mirent au point un plan. Écoutez, j'ai entendu dire que l'herbe sur l'autre pelouse était beaucoup plus savoureuse. Pourquoi ne pas y aller pour déjeuner aujourd'hui? Oh oui, il faut qu'on y aille. Alors arrêtons de parler et allons-y. De l'herbe verte, je peux vous dire que j'en salive déjà. Regardez-moi ce glouton. Ah, lui et la nourriture. Ils partirent ensemble pour aller jusqu'à la pelouse. Alors qu'ils marchaient, un renard les vit venir. Il eut tellement peur qu'il s'enfuit immédiatement. Mais les quatre amis ne remarquaient rien. Ils marchaient joyeusement jusqu'à atteindre la pelouse. Après avoir marché tout le chemin, ils avaient tous très faim. Et alors qu'ils étaient sur le point de commencer à manger, l'un d'eux dit « Faisons la chose suivante. Demandons au glouton de rester en retrait et de surveiller pendant qu'on mange. » « Ce n'est pas juste. Pourquoi devrais-je attendre? Moi aussi, j'ai faim. » « Tu mettras plus de temps à manger. Tu pourras manger après nous pendant que nous veillerons sur toi. » « Je ne suis pas votre serviteur. Je ne vais pas attendre. Je vais manger avec vous. » « Il a raison. Ce n'est pas juste de le faire attendre ici seul. Nous avons tous faim. » « Eh bien, tu n'as qu'à attendre à sa place. » « Mais pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas nous donner des ordres comme ça. » « Si je vous dérange tellement, je peux partir tout de suite. Vous me donnez trop souvent des ordres. » « Oui, c'est vrai. Vous donnez toujours des ordres. » « Oui, je vais partir moi aussi. Je n'ai besoin de personne ici. De personne. » Oui, je vais partir aussi. Je n'ai besoin de personne ici. Et moi, je peux rester seul. Allez-vous-en, vous tous. Tous les quatre étaient très en colère l'un contre l'autre. Mais ils ne savaient pas que le tigre les avait suivis jusque-là. Chaque jour, il espérait que les quatre finissent par se battre ensemble. Cela les ferait se séparer et ils pourraient alors les attaquer. Tandis qu'il se cachait derrière les hautes herbes et qu'il les regardait, il était heureux que son jour soit enfin arrivé. Je ne peux pas le croire. « Je vais enfin pouvoir les attaquer et les manger un par un. » Les quatre amis s'éloignèrent les uns des autres. Le tigre les suivit et leur sauta dessus l'un après l'autre. Il les tua et les mangea tous. Tant que les quatre buffles étaient ensemble, personne n'avait jamais osé s'approcher d'eux. Mais un jour, ils se sont battus. Ils se sont séparés et c'est ce qui leur a coûté la vie. Comme le dit le dicton, l'union fait la force. Et voilà les enfants, c'est pourquoi vous devez toujours rester unis, absolument toujours. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer ensuite. Tant que vous êtes tous ensemble, rien ne peut vous arriver. La victoire sera toujours la vôtre. Oui la fée, tu as tout à fait raison, oui. Tu ne t'es pas battu avec Johnny hier quand il a été nommé capitaine de l'équipe de football? Oui, je l'ai fait, mais je vais aller m'excuser auprès de lui. Ensuite, ensemble, on pourra gagner le match, c'est sûr. Tout à fait. Et ça, c'est parce que... Parce que l'union fait la force.